croyez pas à dire des vérités, mais vos murs sont faits de fumée. Moi je traverse vos mirages, un homme vrai, pas une image. Chaque insulte répète vos blessures, un miroir froid de vos fissures. Vous crachez fort pour cacher vos failles, mais vos mots tombent comme des pailles. Je n'ai pas besoin de travestir, chaque ligne brûle pour avertir. Rider Skill marche franc et sincère, un chemin clair dans vos poussières. Ashes speak but flames don't lie. Sans penser, un écho vide, une vérité forcée. Vos idoles tiennent, vos esprits en laisse. Chaque mensonge devient promesse. Mais moi je n'ai pas besoin d'artifice. Mon âme parle brute et précise. Rider Skill s'élève dans vos tempêtes. Je marche droit, ma voix honnête. Ashes speak but flames don't lie. L'ombre pèse, vos cris s'effacent. Chaque attaque nourrit ma place. Je n'ai pas peur de vos venins. Chaque mensonge, je renforce mes mains. Ashes speak but flames don't lie. Truth will burn and never die. Je respire, chaque souffle forge mon empire. Rider Skill renaît sans détour, légitime, fidèle pour toujours.